2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Tous les mercredis, de 22h à 23h. Sur Prune 92 FM. Boum boum mot, musique française et francophone curieuse tous les mercredis de 22h à 23h sur Prune. Shit. Ça fait 8 ans que ça dure depuis 2014, on est là Jonas, ce nouveau jingle, je le kiffe trop. Ouais, moi aussi je l'aime beaucoup. Elle est bien ta casquette aussi. Ah mais non mais c'est on a que c'est la voix ça. Ici on peut pas parler c'est de nouveau, l'apparence. Ça, il y avait pas la casquette avant, c'est le Jonas de 2021. Mais si, il y avait la casquette avant mais tu me regardes plus Vincent, j'ai l'impression que beaucoup de choses ont changé. Tu rigoles quoi, ça fait longtemps que t'avais pas mis de casquette. J'avais toujours une casquette mais c'était une casquette, une gapette comme disent les vieux. Ah ouais voilà, exactement. Un truc à l'ancienne. Là on est sur une casquette moderne. Trop bien, nos éditeurs doivent savoir. Quelle est cette voix féminine que Jonas que Jonas porte des casquettes. Cette voix féminine, j'allais la présenter. Je suis au top de l'excitation. J'ai hyper hâte. Et pourquoi j'ai hyper hâte ? Parce que, Jonas, ça nous fait plaisir d'accueillir des copains qui sont déjà venus dans l'émission. Ça nous fait encore plus plaisir d'accueillir des copains qui sont jamais venus dans l'émission. Mais ce soir, on accueille une copine qui n'est jamais venue dans l'émission. Victoire, a.k.a. DJ Viril. Avec un E majuscule à la fin. T'as vu, on l'a bien viril. Mis sur les réseaux c'est sociaux. Très bien, j'ai DJ beaucoup aimé. DJ Viril, Victoire, merci. Comment tu vas? Ça va super bien les garçons, je suis trop contente d'être dans cette émission, ça me fait trop rire d'être invitée. Ancienne bénévole de Prune, désormais juriste le jour, danseuse et DJ la nuit. Aperçue sur la terrasse de Trampo cet été, derrière les platines, à Pioche vendredi, mais on en reparlera de cette petite date, la vie funky avec Uncle Jibs qu'on salue direct. Comme ça, c'est fait. Vic, a.k.a. DJ Viril, avec un E majuscule à la fin, tu nous as préparé une sélection francophone et française. Francophone et française, j'ai respecté les règles du jeu. Je suis ravie d'ailleurs d'être invitée à ce moment-là, parce que maintenant, il n'y a plus de limites au niveau des années. Il y en a eu les premières saisons. Il y en a eu les premières saisons, et au départ, j'étais un peu embêtée. Après, quand Jonas m'a dit « Mais non, ne t'en fais pas, il n'y a aucun problème. » Avec l'accent comme ça soit, il faut juste que ce soit français. Alors du coup, j'ai fait une sélection 100% française. Chant-mais. Avec des trucs anciens, des trucs récents. Une sélection basée sur la nostalgie, on en parlait en buvant un petit verre tout à l'heure. Comme la radio. Exactement. Pas trop énervé, mais avec des morceaux qui sortent parfois de l'ordinaire, parfois pas du tout. Donc aussi pour les auditeurs. À cœur, des petites madeleines de Proust. Ouais, la couleur du temps. Wow, trop cool. Ça va pas être un DJ set mixé genre pendant 50 minutes, on se parle plus, on va reprendre le micro. De temps en temps. Ouais, trop cool. Histoire de discuter un peu parce qu'on est entre copines. Bah oui, copines. Copine. Ça doit te faire hyper plaisir de revenir à Prune. Là, ta dernière émission, la Crème au Centre Lavande, elle s'est arrêtée il y a 2-3 ans facile. Ouais, 2-3 ans facile avec Margot que j'embrasse fort. Et du coup, à l'époque, il n'y avait pas un aussi joli studio avec une si jolie déco. C'est grand plaisir de revenir ici. Et comment elle s'appelait ta première émission, celle qui parlait des conditions carcérales? Midi au Mitard. Midi au Mitard. Qui existe toujours. On a réussi à se repasser le flambeau entre meufs d'ailleurs, parce que c'est que des meufs qui reprennent très souvent. Et au passage, on a quelqu'un d'Indie Waves qui est toujours dans Midi au Mitard. Voilà. Eh ben, on va discuter de tout ça hors antenne. En écoutant un morceau. C'est quoi le premier morceau de la sélection de DJ Viril? C'est un des chanteurs que j'aime le plus au monde. Wow, Christophe. Etienne Dao. Trop cool. Et ouais, j'ai choisi pour vous le morceau Ouverture, qui est un morceau absolument magistral d'Etienne Dao. Victoire, a.k.a. DJ Viril, est dans Boum Boum ce soir. On va reprendre l'antenne plusieurs fois entre les morceaux. Ça nous fait plaisir de t'accueillir. On a hâte d'entendre la sélection. Etienne Dao, pour commencer. C'est Boum Boum jusqu'à 23h sur Prune. Il n'est pas de hasard, Il est des rendez-vous, pas de coïncidence. Aller vers son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible, porter au fond de soi l'intuition qui flamboie, l'aventure belle et pure, celle qui nous révèle, superbe et enfantin, au plus profond de l'âme, portée par l'allégresse et la douceur de vivre, de l'été qui commence. La rumeur de Paris, comme une symphonie, comme la mer qui balance. Se fumer, le monde me bouscule, réfugié dans un coin et observant de loin la foule qui ondule, mais le choc imminent, sublime et aveuglant, sans prévenir arrive. Et je vois que tu viens comme moi d'une planète invisible, où la pudeur du cœur impose le respect, la confiance sereine. Et plus tu t'ouvres à moi, et plus je m'aperçois que lentement je m'ouvre. Et plus je m'ouvre à toi, et plus je m'aperçois que lentement tu t'ouvres. Se trouve. Il fut le chemin, les mirages nombreux, avant que l'on se trouve. Ce n'est pas le hasard, c'est notre rendez-vous, pas une coïncidence. Dégonflé, on dit ça de moi. Dégonflé avec les points que j'ai. Avec ça, on ne se bat pas. Ils sont toute une bande. Je ne peux pas me défendre. Alors je prends des beignes de tous ces gars qui traînent. Dégonflé, tu n'es qu'un dégonflé. Dégonflé, on dit ça de moi. Dégonflé avec les points que j'ai. Avec ça, on ne se bat pas. Chez moi, dans mon pays. Chez moi, dans mon pays. On sait prendre la vie. Quand on est trop petit, on dit un jour viendra. On dit un jour viendra. Dégonfler ceux qui cognent sur moi, ne voient pas plus loin que leurs poings. Dégonflé, mais un jour on verra qui de nous ira le plus loin. Car moi j'apprends à vivre, j'apprends ça dans les livres. Je pense à ma revanche, la balance qui penche. Dégonflé, ceux qui cognent sur moi ne voient pas plus loin que leur poing. Dégonflé, mais un jour on verra qui de nous ira le plus loin. Je suis faible et petit, je n'ai pas d'importance. Il faut qu'on se méfie de mes idées qui dansent. Un jour je serai grand. Un jour je serai grand, grand. Dégonflé, tu n'es qu'un dégonflé. Dégonflé, on dit ça de moi. Dégonflé avec les points que j'ai. Avec ça, on ne se bat pas. Mais tu verras les filles qui me riaient au nez. Et tu verras ces filles se jeter à mes pieds. Et tu verras ces brutes tremblées devant mon nom. Et tu verras ces brutes me demander. Bon moment, je ressors au bon moment, j'évite la vague qui approche, au contraire, je m'en sers. Je me lance, j'ai nagé, j'ai volé, toi je sais nager. J'ai nagé, j'ai volé. Vous sentez bien que c'est un étrange bonheur. C'est une espèce de sens du rythme, la rythmicité. Qu'est-ce que ça veut dire, le rythme? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire que... Ça veut dire le rythme. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ah, je sais nager. J'ai nagé, j'ai volé. Je me lance. Vous sentez bien que c'est un étrange bonheur. Ah, maman, la vague m'a battu. Ah, maman, la vague m'a battu. Ben oui, les vagues ou les amours, c'est pareil. J'ai nagé, j'ai volé. Je me lance. Vous sentez bien que c'est un étrange bonheur. C'est une espèce de sens du rythme, la rythmicité. Qu'est-ce que ça veut dire, le rythme? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire, barboter? Je me lance, je barbote, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire, barboter? J'évite la vague qui approche, au contraire, je m'en sers. Vous sentez bien que c'est un étrange bonheur. Ben oui, les vagues ou les amours, c'est pareil. Vous sentez bien que c'est un étrange bonheur. Ben oui, les vagues ou les amours, c'est pareil. Tantôt la vague me gifle, et tantôt elle m'emporte. Vous sentez bien que c'est un étrange bonheur. Waouh! Victoire aka DJ Viril dans Boom Bomo. Je suis pas très content. Pourquoi t'es pas très content? Tu m'as dit ça tout à l'heure. Mais non, mais ouais, je voulais pas t'engueuler, mais te recadrer. Faut que je te réexplique où on est là, en fait. Alors, la sélection, c'est super. De toute façon, on te fait évidemment confiance. Mais il faut qu'il y ait des petits bugs techniques, il faut qu'il y ait des transitions pourries. On est sur prune, il faut qu'il y ait un côté artisanal. Et là, c'est trop propre. Mais Jonas va rallumer les micros tout à l'heure et on sera en train de faire. Oh, j'ai trop mangé. Oh, mon pas de taille était trop lourd. Avec les bruits de bouche et tout qui vont bien. On vous fera un peu d'ASMR. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter? C'était Chamé. Ce sample... C'était Rodolphe Burger et Olivier Cadio, et c'est le titre Je nage. Voilà. C'était trop cool. Et il dit ah oui, les vagues ou les amours, c'est pareil. Et donc on comprend bien l'idée de aller, venir, wow, comme les amours. Je vais et je viens. Mm-hmm. Il y avait un peu de ça. Attention, ouais. C'était ouais. Moins sexuel peut-être. Un peu moins sexuel quand même. Tout à fait. Juste avant, il y avait un morceau de Gilbert Bécaud que je connaissais absolument pas, très Nino Ferrer dans dans la réalisation avec le clavier avec et tout le là. Le clavier, ouah, ouais. Ultra groovy avec une voix de Bécaud qui te réveille le matin quoi. On retrouve de toute façon toute la playlist dès demain matin dans le podcast sur le magnifique site de Prune. Oui, très félicitations à toute l'équipe, le CA, tout le monde, toute l'assaut de Prune en fait, pour ce si beau c'est site internet. C'est un projet qui est sorti assez rapidement hein, d'ailleurs. Oui, on m'a dit que c'était en quelques semaines. Ça s'est fait en quelques semaines. On ne l'a pas du tout attendu 8 ans ce nouveau site. Oh, tu t'exagères, ça fait que 6 ans. Je crois que je suis arrivée à Prune. Il y avait une idée de potentiellement changer de site et je crois que quand je suis partie, il n'y avait pas encore le site. Mais c'est comme la bonne cuisine. Exactement. Tout vient à point à qui sait attendre et voilà, c'est sorti. Félicitations. Ça valait le coup de l'attendre un petit peu, ce site internet de Prune. Ça valait le coup de l'attendre aussi, ce premier podcast de DJ Viril dans Boom Bomo. Il est déjà 22h21, on n'a plus que 40 minutes d'émission. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Je me souviens plus. Ah, j'ai un bug. Ah si, je sais. Moi, ça commence je sais par aussi. Un A. Oui. Et ça finit par Limbachouille. Putain, je voulais faire la blague. Maman. Pardon. Et quel morceau on écoute d'Alain Bachung? Eh bien, tu sais, c'est quand tu te mets pas sur une balançoire, mais tu te mets plutôt sur un autre outil pour te balancer. C'est, ça commence par un tra et ça finit par pèse. Ok, c'est, comme je dis plus rien. Je dis plus rien. DJ Viril dans Boom Bomo. On écoute quelques morceaux. On reprend la parole juste après. On dirait qu'on se lire sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings on est toujours aussi balèze et que les fenêtres nous apaisent. Que l'on soufflerait sur les braises. On dirait que les pirates nous assiègent et que notre amour c'est le trésor. On dirait qu'on serait toujours d'accord. Traquer les toujours des os et les déesses, goûter aux alentours, souvent changer d'adresse. Ceux qui nous entourent, l'extension de nos corps. Quand nous sommes à l'écart, mineurs, chercheurs d'or. Être pour, que faut-il être encore? Quand faut-il être pour, que faut-il être encore? On dirait qu'on se lie sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings on est toujours aussi balèze et que les fenêtres nous apaisent. Peut-être que la nuit, le monde fait la trêve. Et qu'aujourd'hui ton sourire fait grève. On dirait qu'on s'est lié sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. Merci. Je suis des brigades d'intervention. Passion, passion, passion. attention. C'est qu'un passant. Mais maintenant, pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant. Répression, répression, répression. On a supprimé les pavés, on a bitumé la chaussée pour faciliter la circulation. Les trottoirs, c'est pour nous, la rue est à nous. Je m'ennuie. Vos papiers, si vous avez les cheveux longs ou un faciès d'une drôle d'espèce, mais si les cheveux vous les portez courts, on vous mettra pas dans les fours. Répression, répression, répression. Douce majorité silencieuse. Pas d'opinion, pas de délit d'opinion, pas de répression, pas de répression. À votre avis, pourquoi on met pas Jean-Paul Sartre en prison? Pas de répression, c'est pas un homme convenable, a refusé le prix Nobel, respecte pas les institutions. Et qu'est-ce qu'il fout sur un tonneau chez Renault? Chacun son poste, nous, c'est les trottoirs. Je m'ennuie. Répression, répression, répression. Liberté de la presse, quelle ivresse! On couche avec les princesses par procuration. Journaux à grand tirage affichent dans le métro sur les grands boulevards. Font rage de fesses et seins roses, bonbons. Mais attention, attention, attention. Faut pas faire l'idiot national ou international. Faut pas vendre des journaux, encombrer les marchés, faut laisser circuler la majorité. Répression, répression, répression. Clac ! Les vieillards sont atterrés par les jeux de questions posées par leur canard préféré. Salut les cops ! Ah ! Manger de la soupe fait grandir, vrai ou faux ? Bla bla bla bla bla bla bla, vite! La masturbation rend fou! Oh! Vrai ou faux? Plac! Coup de grisou chez les mineurs! Ils sont en danger! Arakiririkira! Arakiririkira! Arakiririkira! Le dernier! Chez les colonels, on peut encore avoir un parterre de fleurs rouges devant sa maison, ou si flotter n'importe quelle connerie de la télévision, on nous mettra pas en prison. Ah mais non, ah mais non. Mais attention, attention, où va-t-on, où va-t-on? Thank you. plus beau cul du monde. Un minois à faire rougir le ciel. Une chatte sucrée de couleur blonde et des petits seins au goût de miel. Du haut de son accent de soleil, elle me parlait sur strapontin. L'écho de sa voix de merveille me sortait du métropolitain. Moi je me fatigue pour qu'elle accepte d'aller partager un café au cœur de la ligne 7. Elle me dit que c'est l'heure d'aller taffer. Je lui dis vas-y mignonne, donne-moi ton numéro de Fontel. Je te prendrai jamais pour une conne, t'as l'air de me donner la vie belle. Une fois sorti seul dans le métro, je repense à son cul d'excellence. Bombé est rare comme l'indigo, ça swing quand ses hanches s'élancent. Elle avait le plus beau cul du monde et des sourires pleins d'arc-en-ciel. Une chatte sucrée de couleur blonde et moi son numéro de Fontel. Trois soirs après, pas loin de Paname, dans un restaurant un peu chic, ma belle baby Miss Class Madame faisait des baisers exotiques. Elle me raccompagnait chez moi pour aller boire un dernier verre. Elle était blottie dans mes bras et me fixait de ses yeux verts. Me demandant ce que je pensais d'elle, je lui lançais un regard surpris. Je lui dis putain comment t'es belle, donc tu sais de la géométrie. Des formes précises, je m'en fous un peu. Maintenant que tu veux du sentiment, je vais démontrer juste un petit peu comment peuvent aimer les garçons. On fait l'amour dans tous les sens, son corps était de toute beauté. Ses gestes exaltaient tous mes sens, mon cœur pour elle allait voter. Elle avait le plus beau cul du monde. J'étais dans ses mains, j'étais accro à sa chatte blonde, je lui aurais fait 24 gamins. Elle avait le plus beau cœur du monde et de la tendresse plein les yeux. Une chevelure de couleur blonde, c'est avec elle que j'étais le mieux. Lors d'une journée où tout va mal, elle me dit qu'elle ne m'aimait plus. Ses mots pour moi étaient fatals, je me demande comment j'ai survécu. Elle avait le plus beau cul du monde et mon cœur est en mille morceaux. Et chaque soir mes yeux s'inondent à cause d'un changement de métro. fait très chaud dans ces studios. Il fait très chaud. Il fait très chaud. J'avais oublié qu'à Prune, il faisait chaud. Et en plus, à Boumomo, il y a 3 degrés de plus que les autres émissions. C'est scientifiquement prouvé, ouais. Exactement. Avec Est-ce que c'est une blague par rapport à mon nom de famille ou pas du tout? Oh non! Ah, c'est vrai que ça a vu. Yes. Non, je pensais que c'était juste, tu vois, le fait que c'était caliente. Je m'appelle Degré, du coup, les gens font toujours la blague. Ah, il y a un degré de plus quand il y a toute ma famille. Ah, il y a 4 degrés. Vincent. Ah, c'est hyper original. Mais Vincent, je viens de penser à un truc. Tu t'appelles Degré, je m'appelle Thermo. Il y a peut-être un truc sur la température, c'est peut-être pour ça qu'il fait vraiment plus chaud. Un choc thermique à chaque fois qu'on se rencontre. Incroyable. On avait dit qu'on faisait de l'ASMR pendant ce temps. Vous avez bien aimé ces 3 derniers morceaux un peu chaud. C'était un peu caliente. On a tous enlevé une épaisseur. Oui. Quasiment tout. Sauf Jonas. Moi, j'ai juste enlevé mon pantalon. Ouais. C'est vrai, Jonas, mais on le voit pas. C'est coupé. C'est voilà. Exactement. Plan américain, c'est pour ça. Très belle émission de radio, en tout cas. Oui, DJ Viril, il y a des super morceaux, il y a des petits problèmes techniques. Il y a eu un mini blanc antenne de quelques secondes. C'était un vinyle qui tournait, on entendait les crépitements. Le seul truc qui nous manque pour faire une émission de radio de qualité, moi j'ai rien sous la main, j'en ai, je crois, c'est des dédicaces. Alors moi j'en ai plein. Vas-y Vic. Déjà, je dédicace le son Niagara qu'on a écouté à Mick, aka DJ Mikoz, avec qui je fais parfois, et avec qui j'aimerais fort faire un B2B. Pour que ce soit DJ Mikoz en B2B avec DJ Viril. Yes. J'aimerais fort faire ça. À Tiffen, à Clem, à toutes mes copines, à Margot Poinceau avec qui on faisait Lacrymo Centaure à la vente. Mm-hmm. Elle va être d'ailleurs ravie que j'ai dit son nom et son prénom à l'antenne. À ma petite maman, je dédicace Étienne Dao, Bachung à Sandrine. Et le morceau qu'on va écouter après. Wow. Et puis après, je dédicace à tout le monde. Tout le monde se reconnaîtra. Tous ceux qui ont fait buzzer la photo qu'on a postée cet après-midi. Ouais. J'espère que vous écoutez. Ouais, sur les réseaux de l'internet. Qu'est-ce qu'on écoute après, DJ Viril? Eh bien, on va écouter Le Chant du Cygne. C'est un morceau que j'écoutais quand j'étais toute petite, vers 3 ans, à La Réunion. Et c'est un morceau de l'artiste Gérard Manset. Avec ma maman, on dit d'ailleurs Gérard Mansoif. DJ Viril dans Boom Bomo, il y a plein de jeux de mots. On est ensemble jusqu'à 23h sur Prune. Monte dans l'air du soir comme une mélodie, un parfum dansant soi, paradis. Que l'on croit voir, fumée qui s'aligne, ce sont les ailes noires, le chant du cygne, sur le grand étang, sans le vent, sous le vent, les membres des enfants, comme l'union. Comme l'union, sentent qu'ils seront légion, monte dans l'air du soir comme une symphonie, escalier dans le noir, dans sa pluie, et ce que l'on croit voir, qu'une main désire. Sans les ailes noires, chant du cygne sur le grand étang, sans le vent, sous le vent, les membres des enfants, comme l'union, comme l'union, se sentent qui seront. Légion, légion, sans te question, légion. Je rêve de Biarritz. pas mal, non? C'est français. M'en revenant des noces, lin-din-da-la-di-dan-di-dan-di-dan-din-den, lin-din-da-la-di-dan, j'étais bien fatigué, sur le bord d'une fontaine, thank you. Waouh, on vient d'écouter Super Parquet. Oui. Tu me prends par les sentiments, DJ Viril. On les a vus à Trempeau la semaine dernière. Big up à Jocelyn. Big up à Jocelyn. Qui nous a permis de faire la carte blanche cet été avec Koukagne et Vincent Privat. Et qui nous régale à la programmation Trampolino. On a vu Super Parquet et Cochin Moon jeudi dernier. C'était trop cool. C'était mortel. Je t'ai vu danser devant. Moi, je buvais ma bière derrière. Je t'ai pas dérangé. Toujours devant. Je savais qu'on allait avoir tout pour nous ce soir dans Boom Bomo. Victoire avec DJ Viril. Merci beaucoup pour cette belle sélection. Merci Vincent. Merci Jonas de m'avoir invité, je suis trop contente. Ça passe trop vite, t'as plein de morceaux de ta sélection. Il y avait encore un ou deux morceaux que j'avais envie de passer, mais bon, le temps n'est pas extensible, et toutes les bonnes choses ont une fin. Il y aura d'autres opportunités. Déjà, on te revoit vendredi à Pioche, avec Uncle Jibs, soirée La Vie Funky. Du coup, soirée Vernis Passage. Il y a des friperies à Pioche. Et du coup, c'est le disquaire du dimanche qui fait ça. On se fait un petit, un petit DJ set avec Jibs Pépouze qui pourrait partir en cacahuète un moment. Ah, faut se méfier à Pioche. On n'est jamais à l'abri avec Uncle Jibs. On fait une dédicace à Pioche, c'est tout près de Prune. Oui, on les aime fort, fort. Grave. Il nous reste un dernier morceau à écouter. DJ Viril, qu'est-ce que tu nous as préparé pour conclure? C'est un morceau qui me tient particulièrement à cœur. Alors, tous les morceaux me tenaient particulièrement à cœur, mais ce morceau, c'est un morceau de Léonie Pernet. C'est une jeune artiste qui excelle dans bien des instruments traditionnels, mais aussi en électro. Et ce morceau, c'est un morceau de piano et qui est plutôt assez doux, mélancolique, mais qui est magnifique. Et je trouve que c'est chouette aussi de partir parfois dans des émissions, avec des morceaux doux et mélancoliques. Il n'y a pas de dance floor, c'est ça l'avantage d'une émission de radio, c'est que personne. Alors peut-être que les gens dansent chez eux. Peut-être qu'ils tapent du pied. On ne sait pas. Désolé, rasseyez-vous, préparez-vous une tisane, c'est le moment de faire chauffer l'eau, là, mettez ça dans la bouilloire. Nuit douce. Il nous reste quelques secondes. Merci beaucoup, une fois de plus, Victoire et Kédi Djibril, pour ce premier passage incroyable dans Boom Bomo. Oui. C'était mortel, merci beaucoup. Hein. Avec plaisir, tu reviens quand tu veux. Ouais! Jonas, nous on se retrouve dès la semaine prochaine. J'ai plus l'agenda en tête, mais je crois que c'est le Tom Val qui nous enverra un mix par mail. Tom Val. On en reparlera la semaine prochaine, mais il risque d'être bien cool. Ouais. DJ Viril était avec nous ce soir. On retrouve la playlist dès demain sur le site de Prune, prune.net. Ouh, à la semaine prochaine. Ciao, bisous, les petits loups. Bisous. Je tourne. Et ainsi se termine cette émission de Boumoumo. Merci de l'avoir écoutée. On vous dit à la semaine prochaine et restez à l'antenne puisque c'est nos amis chez Fogg qui nous rejoignent dans une minute maintenant. Bonne nuit sur Prune.